auditrices et auditeurs de la radio Saint-Gabriel, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de notre radio. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour mon émission hebdomadaire Allez dire avec Yana. Donc, je rappelle que nous sommes en direct sous les ondes radiophoniques de 94.4 à Cayenne, de 90.3 de Kourou jusqu'à Sinnamary ou de 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous sommes également connectés sur la chaîne YouTube de la radio Saint-Gabriel. N'oubliez pas de vous abonner, on a quand même plus de 2100 abonnés maintenant, bravo à notre radio. Et également sur la web radio, web TV, radio Saint-Gabriel, guyane.net. Voilà. Donc je remercie Gilles à la technique, de Patrick, et ce soir je reçois Claudiane Flora. Bonsoir Claudiane. Monsieur Jean-Claude Yanada sur la radio Saint-Gabriel 94.4 et 90.3 et 95.7.